Numéro 8. Que dit-il ? Nanto itte imasu ka ? Il dit qu'il ne comprend rien. Nani mo wakaranai to itte imasu. Comment dit-on cela en français ? これはフランス語で何と言いますか ? Comment dit-on cela en japonais ? これは日本語で何と言いますか ? Dites-le plutôt en français. Fransugo de itte mite kudasai. Dites-le plutôt en japonais. Nihongo de itte mite kudasai. Peux-tu traduire ce mot en français, s'il te plaît ? この言葉をフランス語に訳していただけますか ?